13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénoux et ses rendez-vous avec X. C'était la première fois que cela lui arrivait. Monsieur X reconnaissait avoir émis une hypothèse un peu hâtive dans un dossier qu'il a récemment traité. Et il s'en est ouvert très franchement, m'expliquant que dans les affaires de renseignement, il faut toujours faire la part de la manipulation et de la désinformation. Bref, qui est derrière qui? Et derrière celui-là même, n'y en a-t-il pas un autre qui se dissimule et tire en réalité les ficelles? Il a également ajouté que les récentes ouvertures des archives des pays de l'Est ont permis de rectifier certaines de nos connaissances sur quelques dossiers brûlants des 50 dernières années. Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur X m'avait longuement parlé des plans ourdis par les Occidentaux, et en particulier les Français, pour se débarrasser de Kadhafi. La dernière opération, de très grande envergure, devait associer les services américains et français, mais aussi les Israéliens et les Égyptiens. Il s'agissait de monter de toutes pièces une fausse agression libyenne en Égypte afin de justifier une puissante attaque aérienne sur Tripoli et les principaux objectifs militaires du pays. Mais Mitterrand est arrivé au pouvoir et parmi les secrets que lui a transmis Giscard d'Estaing, il y avait celui-là. Est-ce que le nouveau président français a répugné à utiliser de tels moyens pour éliminer Kadhafi, ou bien les Américains se sont-ils méfiés de ce nouveau chef d'État qui avait pris des communistes dans son gouvernement? En tout cas, l'opération n'a pas eu lieu. Mais des fuites se sont produites et Kadhafi a été informé de ce qui se tramait contre lui. Il a aussitôt décidé de se venger. Difficile de s'attaquer physiquement au président américain, français ou israélien. Il a donc choisi de s'en prendre au plus vulnérable, son voisin et ennemi juré, Anwar el-Sadat. Et le 6 octobre 1981, le président égyptien est tombé sous les balles d'islamistes fanatiques manipulés par Kadhafi. Telle était donc la thèse développée par M. X. S'il a souhaité revisiter ce dossier, c'est que son explication était non seulement inexacte, mais surtout incomplète. Il l'a reconnu avec beaucoup d'humilité. Dans un instant, donc, ce surprenant récit. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous vous souvenez des circonstances qui ont coûté la vie au président Sadat? Oui, à peu près, oui. C'était au cours d'un défilé militaire. Hein. C'est ça. Un défilé qui était organisé dans un stade de la banlieue du Caire pour célébrer le 8e anniversaire du franchissement du canal de Suez par les armées égyptiennes. À l'occasion de la guerre du Kippour. Oui, et si vous le voulez bien, on y reviendra plus tard, parce que c'est un des moments clés dans la carrière de Sadat. Un événement qui va durablement infléchir sa politique et qui pèsera à terme très lourd. Mmh. Donc, ce défilé... Et le président se trouve assis à la tribune. Hein, et autour de lui sont installés les principaux dignitaires du régime et quelques invités étrangers. À la droite de Sadat se tient Moubarak, qui sera, comme vous le savez, son successeur. À noter qu'un seul personnage important est absent, le ministre des Affaires étrangères, Boutros Boutros-Ghali. Vous insinuez quelque chose? Non. Ah bon? Le futur secrétaire général des Nations Unies déteste les défilés militaires et ce jour-là, il a préféré aller se reposer sur une plage d'Alexandrie. Heureusement pour lui, car il y aura quand même 9 morts et des dizaines de blessés dans la tribune présidentielle. Alors ça se passe comment là? Sous un soleil de plomb, le défilé a déjà commencé, émaillé de quelques incidents. Quel genre d'incidents? Des véhicules qui sont tombés en panne, enfin rien de bien sérieux. Il paraît même que c'était assez fréquent dans les défilés militaires égyptiens, sans doute à cause de la chaleur. Vers 13h, des camions qui tractent des canons et des porte-missiles roulent à leur tour en file devant la tribune. Au même moment, des escadrilles d'avions de chasse envahissent le ciel. Naturellement, les spectateurs lèvent les yeux. Or, au même moment, un camion s'arrête à la hauteur de la tribune. Et vous pensez qu'il y a un rapport entre le passage des avions et l'arrêt du camion? Naturellement. Ce qui prouve que le coup a été minutieusement préparé, car personne ne prête vraiment attention à ce véhicule. Ceux qui ne regardent pas en l'air pensent qu'il doit s'agir d'un nouvel accident mécanique et c'est tout. Et donc, aucune méfiance. Non, d'ailleurs, l'atmosphère est plutôt bon enfant. Le matin même, malgré l'insistance de sa femme, le président Sadat a refusé de revêtir un gilet pare-balles sous son uniforme. Qu'a-t-il à craindre des militaires égyptiens qui l'appellent ses fils? Bon, alors le camion est arrêté. Oui. Et soudain, quatre hommes en uniforme bondissent du véhicule. Ils sont armés. Ils foncent vers la tribune en ouvrant le feu. Les premières salves sont couvertes par le rugissement des avions. Un des militaires arrive jusqu'à la rambarde derrière laquelle se trouve Sadat. Il y appuie son fusil d'assaut et tire en direction du président qui s'écroule immédiatement. Et aucun garde du corps n'intervient? Non. Dans la tribune, c'est la panique. Tout le monde fuit en hurlant de terreur, en renversant les chaises. D'autres rafales crépitent encore. Des grenades sont lancées par les assaillants. Heureusement, elles sont défectueuses. Mais il y a déjà de nombreux morts à terre. Enfin, la garde présidentielle se reprend. Les agresseurs sont maîtrisés. Mais il est trop tard pour Sadat. Car malgré sa rapide évacuation par hélicoptère dans un hôpital du Caire, il va succomber. Les assassins, je me souviens, les assassins donc étaient pris vivants. Hein. Oui, et sans véritablement opposer de résistance. Un seul est parvenu à s'enfuir, mais il va bientôt être arrêté. Ces hommes, m'avez-vous dit, étaient des islamistes. Des intégristes musulmans. Le chef du commando est un jeune lieutenant, Khaled al-Eslambouli, d'originaire d'Assiout, une ville située à 400 km au sud du Caire, où les intégristes sont particulièrement actifs. Son frère a été arrêté quelque temps plus tôt au cours d'une vaste rafle d'islamistes ordonnée par Sadat. Donc ce type-là a voulu venger son frère? Il a surtout voulu punir le traître Sadat, l'homme qui a osé aller à Jérusalem et qui a signé la paix avec Israël. Un chef d'État accusé par ailleurs de corrompre son pays en l'occidentalisant. Mais comment a-t-il pu agir aussi impunément? D'après l'enquête et les interrogatoires des acteurs, l'attentat a été mis au point quand Eslambouli a appris qu'il allait participer au défilé du 6 octobre. Aussitôt, il a pris contact avec l'un de ses proches, un certain Abdelhassam Farag, un idéologue islamiste qui prêche la djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Une guerre sainte intérieure, en l'occurrence. Oui, Farag prétend que si le prince n'applique pas la loi de l'islam, c'est-à-dire la charia, le devoir de tout bon musulman est de le tuer. Ah bah ça au moins c'est clair. Et radical. Fin septembre, une réunion secrète des dirigeants islamistes se tient à Gizeh. La discussion est serrée. Certains ne croient pas qu'il soit possible de tuer Sadat, mais d'autres, les plus nombreux, croient au projet de Farag et du lieutenant Eslambouli. Et ils proposent de soulever la région d'Assiout dès que la mort de Sadat sera annoncée. Une tentative qui fera d'ailleurs long feu. En tout cas, c'est donc une approbation pour Eslambouli. Oui, et le lieutenant prépare l'attentat. Mais comment fait-il? Parce que lui va participer au défilé, hein, on est d'accord, mais il ne peut pas agir tout seul. C'est juste. Le camion sur lequel il doit monter en tant qu'officier est pourvu d'un chauffeur et de trois autres militaires. Alors, Eslambouli imagine un stratagème. La veille du 6 octobre, il se débrouille pour immobiliser les soldats qui doivent l'accompagner en administrant un puissant laxatif dans leur nourriture. Ainsi, il peut les remplacer par des hommes à lui, dont un nommé Abbas, un officier de réserve qui est également un tireur d'élite. Et personne ne s'aperçoit du subterfuge? Apparemment, non. Ça me paraît un peu difficile à avaler, ça. Vous avez parfaitement raison. Eslambouli, à l'évidence, a bénéficié de complicités. Des complicités à un niveau assez élevé du commandement. Et c'est d'ailleurs ceux ou ces mêmes complices qui ont pu lui permettre de coordonner son action avec le passage des avions de chasse. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que cette coordination impliquait que ses complices avaient une responsabilité dans l'organisation même du défilé. Mais si je me souviens bien, moi, on n'a jamais parlé de complicité en haut lieu. Hein. Non, on s'est contenté d'arrêter et de juger les membres du commando et les comparses sans chercher à aller plus loin. Mais pour quelle raison? La première qui vient à l'esprit, c'est que le successeur de Sadat, Hosni Moubarak, ne tenait peut-être pas à traumatiser l'armée. Ouais, lui-même étant un militaire. Bien sûr. Et quand on arrive au pouvoir dans un pays comme l'Égypte, où l'armée occupe une place aussi éminente, il est difficile d'attaquer de front le commandement. Mais je crois qu'il y a autre chose. Les autorités ont dû se rendre compte très vite que l'affaire était beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraissait et que derrière les auteurs de l'attentat se cachaient non seulement des officiers de haut niveau, mais des agents de certaines puissances étrangères. Trois jours après la mort d'Anwar el-Sadat, le journal Le Times de Londres fait état de l'analyse d'experts des services de renseignements israéliens, des experts généralement bien informés. Ces spécialistes se disent convaincus que les assassins du président Sadat ont bénéficié de complicités plus haut placées que ne veulent l'admettre les autorités égyptiennes. Ils estiment en effet que les conspirateurs ont eu accès à tous les détails du défilé, la disposition des véhicules, les places des personnalités et des gardes du corps, et surtout l'horaire, à la minute près, de la parade aérienne pendant laquelle toute l'assemblée avait les yeux tournés vers le ciel. Pour avoir accès à de tels renseignements, pensent les Israéliens, les conspirateurs ont dû jouir de la confiance d'un officier ayant au moins le rang de colonel. Une thèse qui rejoint bien singulièrement celle de M. X. Autre interrogation de ces experts israéliens, toujours selon le Times. Comment, sans le soutien d'un officier supérieur, les quatre assassins, ou six et plus, selon d'autres versions, ont pu s'arranger pour se placer non seulement dans le même véhicule, mais dans celui de la file qui passerait le plus près du président? L'enquête est donc vite réglée. Il s'agit d'un attentat religieux perpétré par des extrémistes musulmans. C'est les témoins. En tout cas, ça y ressemble. Alors maintenant, essayons d'aller au-delà de cette vérité officielle. Et pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps. Vous allez me faire un cours d'histoire. Pourquoi pas? Non, je plaisante. Mais la solution se trouve dans le passé d'Anwar el-Sadat. Je vous écoute alors. Sadat a fait partie de ces officiers libres, comme ils s'appelaient eux-mêmes, qui ont renversé le roi Farouk. C'est même lui qui, en tant que porte-parole de ce groupe, a annoncé à la radio la déposition du souverain. Quelle est son origine? Modeste, très modeste. Sa mère est soudanaise et son père est sous-officier. Ils vivent comme leurs voisins, les Fela, dans un village du Delta. De sorte qu'on peut vraiment dire que Sadat est un homme du peuple. Un peuple qu'il comprend peut-être mieux que d'autres dirigeants. Cette origine sociale est importante à connaître. Et d'abord parce que plus tard, lorsque le jeune Anwar fera ses études, il aura plusieurs fois à souffrir des sarcasmes de ses camarades issus, eux, de la bourgeoisie. Et politiquement, il se situe... Très vite, il est attiré par le nationalisme. Écœuré par la corruption du régime monarchique et son asservissement à l'Angleterre, Sadat se lie avec d'autres officiers qui éprouvent les mêmes sentiments. Et c'est ainsi qu'il rencontre Gamal Abdel Nasser. Ses débuts dans la carrière militaire vont d'ailleurs être agités. C'est-à-dire ? Le jeune capitaine est mêlé à plusieurs complots et activités terroristes. Et il est arrêté et jeté en prison au moins à deux reprises. Mais passons. Quand les officiers libres prennent le pouvoir en 1952, il fait donc partie des nouveaux dirigeants du pays et il va occuper diverses fonctions officielles. Et ses rapports avec Nasser? Là, les avis divergent. On a souvent prétendu que Nasser le méprisait. Pour quelle raison? On dit qu'il manquait de personnalité. Nasser l'appelait, paraît-il, le colonel Benny Wiwi. Sadat, selon d'autres rumeurs, faisait rire. À ses dépens, bien sûr. Peut-être. N'empêche que c'est cet homme-là que Nasser se choisit comme dauphin. Donc à votre avis, Nasser ne le méprisait pas autant qu'on le disait, non? C'est évident. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir en 1970, à la mort de Nasser, donc, beaucoup d'Égyptiens, mais aussi d'observateurs étrangers qui connaissent bien l'Égypte, se disent que Sadat ne sera qu'un chef d'État de transition. Ils se trompent tous, et très lourdement. Ah, il a peut-être caché son jeu, hein? Sans doute. Il a subi en silence les avanies, les moqueries, et il a tranquillement attendu son heure dans l'ombre de Nasser. Justement, comment se passe cette succession? Sadat est élu président de la République, mais il est étroitement surveillé par ses rivaux. À l'époque, ils sont essentiellement deux. Ali Sabri, qui est un proche des communistes, et qui est en cela le digne continuateur de la ligne Nasser, qui était de plus en plus inféodé à l'URSS. Sabri, qui est aussi le numéro un du parti unique. L'autre, c'est Zakaria Moyedine. Et il est pro-occidental. Donc Sadat, avec ces deux types, est étroitement surveillé. Pourtant, assez rapidement, il annonce son intention d'en finir avec le nazérisme. En finir? Eh bien, il entreprend de rompre avec le caractère policier du régime. Il écarte les responsables de la police politique et il ouvre les prisons. Autant de mesures qui le rendent immédiatement populaire. Il tente aussi de rompre avec les aspects les plus rigides du socialisme à la Nasser. En fait, et le peuple égyptien le sent bien, Sadat se présente comme un réaliste. Fini les grands rêves, intéressons-nous enfin au quotidien, c'est-à-dire au sort des gens. Donc ça marche? Oui, et il peut frapper le premier grand coup de son règne. 6 mois après son arrivée au pouvoir, il se débarrasse d'Ali Sabri. Celui-là, c'est le pro-communiste. C'est cela, il le jette en prison, lui et quelques-uns de ses amis. Et pourquoi? Il le soupçonne de comploter contre lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le parti unique, l'Union Socialiste Arabe, dont Sabri est pourtant le principal dirigeant, ne bronche pas. J'imagine que c'est une décision, ça, qui n'a pas dû faire plaisir aux soviétiques. Eh bien justement, 10 jours après cette arrestation, Podgorny, qui est alors président du présidium du Soviet suprême, se rend au Caire, afin d'y signer un traité d'amitié et de coopération. On s'attend à ce que le soviétique fasse des remontrances à Sadat. Pas du tout. Le président égyptien prend les devants en expliquant qu'il s'agissait d'une question purement interne, une simple querelle de pouvoir, et qu'en aucun cas les liens privilégiés avec l'URSS n'allaient se distendre. Il faut dire que l'Égypte avait beaucoup de Russes, hein, le barrage d'Assour c'était eux quand même. Vous avez raison, mais cette coopération s'accompagnait aussi d'une tutelle assez lourde. À l'époque, je crois qu'il y avait plus de 20 000 soviétiques en Égypte. Et la population rechignait. Incontestablement. Cette présence était souvent vécue comme une sorte de colonisation. Et Sadat avait l'intention, un jour ou l'autre, d'y mettre un terme. Alors il va frapper un deuxième coup. Au Soudan, très peu de temps après la visite de Podgorny, le Parti communiste arrive au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Eh bien, Sadat va contribuer à le chasser. Avec l'aide de Kadhafi, d'ailleurs, ce qui ne manque pas de piquant quand on connaît la suite. Mais cette fois, donc, il choisit carrément le camp opposé. Hein, apparemment, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais cette volte-face n'est suivie par aucune rupture avec Moscou. Il va falloir attendre encore un an pour qu'enfin Sadat apaise vraiment son jeu et chasse les soviétiques d'Égypte. Ce qui paraissait quand même de plus en plus évident. Encore que, lorsque Sadat annonce sa décision, c'est un véritable choc. Le nouveau président égyptien met à bas presque 20 ans de coopération militaire, technologique, économique avec l'URSS. Vous comprenez, il s'agit d'un véritable retournement d'alliance. Alors justement, comment on réagit de l'autre côté à Washington? Nixon réagit avec prudence. Il était pourtant tentant d'aller aussitôt au-devant des Égyptiens, de leur proposer l'aide occidentale, de remplacer l'URSS en gros. Et vous oubliez Israël. Il était difficile pour les États-Unis de se précipiter dans les bras des Égyptiens sans fâcher leur allié principal dans la région. Écoutez, j'ai quand même du mal à croire que Sadat, avant de prendre sa décision, n'est pas... On voyait quelques signaux du côté de Washington. Encore une fois, vous avez raison. Mais ça, c'est bien sûr passé dans les coulisses. Et je peux même vous dire que c'est le début d'une formidable manipulation. Mais je vous en ai déjà parlé lorsque nous avons évoqué le fameux choc pétrolier de 1973 et la guerre du Kippour. Oui, je me souviens, mais vous pouvez quand même me rafraîchir la mémoire. Bien volontiers. Voyons d'abord les choses du point de vue de Sadat. Sa situation est fragile. L'armée est encore toute puissante. Mais la récente défaite de la guerre des Six Jours en 1967 n'a toujours pas été digérée. Et les militaires égyptiens ont besoin de revanche. Oui, on a du mal à imaginer quelle a été l'humiliation des Égyptiens. Les Égyptiens qui ont non seulement été battus, mais qui ont perdu Gaza et le Sinaï. Ça fait beaucoup. D'autre part, Sadat, qui n'est pas un va-t-en-guerre, sait que seuls les États-Unis ont la possibilité de faire bouger la situation dans la région. Oui, à cause des pressions qu'ils peuvent éventuellement exercer sur Israël. Évidemment. D'autre part, à Washington, on ne serait pas fâché de remplacer les Russes en Égypte. Mais je vous l'ai dit, il y a les Israéliens, des gens particulièrement susceptibles. À moins qu'il ne se passe un événement susceptible de modifier la situation au Proche-Orient. Et justement, Sadat vient voir Nixon et son dévoué et machiavélique conseiller Henry Kissinger. J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup, celui-là. Non. Il a peut-être contribué à faire la paix au Vietnam, mais... J'ai du mal à oublier que c'est l'un des hommes qui a permis à Pinochet de s'emparer du pouvoir au Chili, avec les conséquences qu'on connaît. D'accord, mais accélérons là. Que vient dire Sadat à Nixon? Il lui dit en substance qu'en raison de l'intransigeance israélienne et de l'attitude de l'État hébreu dans les territoires occupés, une nouvelle guerre entre juifs et arabes est inévitable. La Syrie, l'Irak s'y préparent. Et nous, les Égyptiens, on sera bien obligés d'y aller aussi. Alors, laissez-moi faire. J'attaque le premier... Je fais ma guerre de façon à effacer l'humiliation de 67. Une petite guerre qu'on arrêtera à un moment convenu entre nous. Ainsi, d'une certaine façon, Israël sera sauvé et nous, Égyptiens et Américains, nous allons bâtir de nouvelles relations. Oui, c'est en effet assez subtil. Et rappelez-vous, c'est exactement ce qui va se passer. Le scénario va être parfaitement appliqué. On a simplement oublié de citer son véritable auteur. Et que voulez-vous dire? Ce joli plan a été cyniquement imaginé par le cartel du pétrole, premier bénéficiaire de la hausse considérable des prix qui va s'ensuivre. Monsieur X a-t-il raison de penser que la guerre du Kippour a fait l'objet d'une négociation avec les Américains avant même qu'elle ne commence? Une négociation qui, si je l'ai bien suivie, a été initiée par le cartel des grandes compagnies pétrolières. Voyons les faits. Le 6 octobre, profitant de la fête du Kippour, les Égyptiens attaquent par surprise. Ils passent le canal de Suez, bouscule la ligne de défense des Israéliens, la fameuse ligne Bar-Lev. C'est la stupeur. Où vont-ils s'arrêter? Même l'aviation israélienne, qui tombe sous les coups des missiles SAM-7, est incapable d'arrêter l'avance des Égyptiens. Au même moment, les Syriens attaquent sur le Golan. Mais soudain, les Égyptiens s'arrêtent et se contentent de consolider leur position. Israël passe à son tour à l'offensive, contourne les Égyptiens, franchit le canal, les combats sont rudes, meurtriers, mais très vite, les deux grands s'en mêlent. Moins de 15 jours après Yom Kippour, c'est le cessez-le-feu. Et quand on examine cyniquement les conséquences de cette guerre, que constate-t-on? Sadat a conforté son pouvoir et va bientôt obtenir la réouverture du canal de Suez. Les Américains ont renforcé leur influence et rétablissent leurs relations diplomatiques avec l'Égypte un mois à peine après la fin de la guerre du Kippour. Enfin, le prix du pétrole flambe. Et il n'est pas inutile de rappeler que c'est Sadat en personne qui va demander la levée de l'embargo pétrolier décidé par les pays arabes. Tout cela est troublant, mais ne constitue pas une preuve. Signalons quand même qu'en septembre 1973, un mois avant la guerre, Sadat a reçu au Caire une personnalité de premier plan, David Rockefeller. Or, David Rockefeller, c'est un représentant éminent de la banque et donc du pétrole. Quelques mois après la fin de la guerre du Kippour, Nixon fait une visite triomphale au Caire. La réconciliation entre les États-Unis et l'Égypte est ainsi parachevée. Et bientôt, Sadat va dénoncer le traité d'amitié et de coopération avec l'URSS. Mais à vrai dire, ce n'était plus qu'un chiffon de papier. Le président égyptien a définitivement choisi son camp, celui de l'Occident. Par conviction ou par calcul ? Je serais tenté de vous dire les deux. Mais la vérité, c'est que Sadat a vraiment besoin des Américains pour développer son pays, mais aussi pour arriver un jour ou l'autre à conclure un traité de paix avec Israël. Et son ancien allié soviétique reste sans réagir ? Mais il faut observer que pendant la période qui suit la guerre du Kippour, les relations avec la Libye vont en se détériorant. La Libye qui va jusqu'à susciter des troubles à l'intérieur du territoire égyptien. Ça va même se traduire d'ailleurs par une mini-guerre entre l'Égypte et la Libye en 1977. Et vous voyez là la main de Moscou ? Ça me paraît assez clair. Mais 1977, c'est aussi une année historique. Bien sûr. Cette année-là, Anwar el-Sadat fait un geste exceptionnel en se rendant à Jérusalem et en prononçant un discours devant le Parlement israélien, la Knesset. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émotion soulevée par ce voyage audacieux qui a pris le monde entier à contre-pied. Ah, si, moi, très bien, je vois encore son avion blanc là, atterrir en Israël. Et sa visite au monument des martyrs juifs. Ce type avait de la classe et un courage certain. Puis ça va être la longue négociation des accords de Camp David sous l'égide du président Carter. Et la signature presque inimaginable d'un traité de paix avec Israël. Une fois de plus, Sadat fait la preuve de son audace. Une audace qu'il paye cher puisque l'ensemble des pays arabes condamnent ce traité. D'autant que Begin, son partenaire israélien, ne lui renvoie pas vraiment l'ascenseur en continuant sa politique d'implantation de colonies juives en Cisjordanie occupée. J'ajoute que ce traité de Camp David, c'était une nouvelle pierre dans le jardin du Kremlin. Et pourquoi ? Parce que Sadat, en choisissant l'arbitre américain, avait de facto exclu l'URSS du champ diplomatique au Proche-Orient. Et dès cette époque, la presse soviétique tire à boulets rouges sur le président égyptien qu'elle accuse de tous les péchés. Mais il y a plus grave. Racontez. Le KGB entreprend alors une assez extraordinaire campagne de désinformation. Mais vous m'avez dit à de nombreuses reprises que les soviétiques étaient des spécialistes en la matière. C'est juste. Alors en quoi consiste cette campagne de désinformation ? La cible, c'est Sadat. Et cette campagne se déroule selon deux axes. Le premier est assez classique. Il s'agit de salir Sadat. Le salir, ça veut dire quoi ? Il faut faire courir des rumeurs sur Sadat, surtout dans les pays arabes et les pays du tiers-monde. Chaque résidence du KGB à l'étranger est chargée de la propagation de ces calomnies. Qui sont ces... Le président égyptien est d'abord accusé d'être un ancien nazi. Il y a quelques fondements là-dessous ? Il est vrai que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Sadat, comme d'autres officiers nationalistes égyptiens, a eu des contacts avec les Allemands, parce qu'il luttait d'abord contre l'occupation anglaise. Mais de là à faire de Sadat un nazi, non. Alors autre chose ? Oui. Sadat est aussi présenté comme un être psychologiquement fragile, complètement dominé par son épouse. Et bien sûr, c'est un agent de la CIA et de l'impérialisme américain. Ah ben voyons. Du coup, tout s'explique. On sait maintenant pourquoi Sadat a trahi la nation arabe en se rendant à Jérusalem et en concluant un traité avec Israël. Ça coule de source, ouais. Mais vous m'avez parlé d'un deuxième axe de désinformation. Mais celui-là est subtil, beaucoup plus subtil. Alors, de quoi s'agit-il ? D'introduire la suspicion dans les rapports américano-égyptiens, de faire croire que Washington est tout prêt à laisser tomber Sadat et à le remplacer par son vice-président, Hosni Moubarak, jugé plus fiable. Et comment le KGB procède-t-il hein? Je crois vous avoir déjà dit qu'il y avait des spécialistes, des faux documents au KGB. Ça, c'est exact. Hein? Eh bien, ces spécialistes fabriquent une série de fausses notes officielles américaines. On y lit par exemple que Sadat est accusé de manquer d'autorité et qu'un changement de leadership en Égypte s'impose au plus vite. Une autre dépêche, tout aussi fausse, est censée provenir de l'ambassade américaine à Téhéran. Il y est écrit que les États-Unis ont donné leur accord à des plans iraniens et saoudiens visant à renverser Sadat. Mais à qui sont communiqués ces faux documents ? Ils sont distillés à des journalistes sûrs qui s'empressent de les publier en croyant tenir le scoop de leur vie. En 1979, le journal syrien Al-Baas publie ainsi une lettre de l'ambassadeur américain en Égypte. Le diplomate écrit que sa date ne sert pas vraiment les intérêts américains et qu'il convient donc de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Autre exemple, très peu de temps avant l'attentat qui va coûter la vie au président égyptien, l'hebdomadaire Jeune Afrique affirme que les États-Unis ont décidé de tout faire pour remplacer Anwar el-Sadat par Hosni Moubarak. Oui, c'est en effet assez troublant, là. Mais est-ce que ces manœuvres ont servi à quelque chose? Dans ce genre d'opération, on joue le long terme. Et les effets sont difficilement mesurables. J'imagine que ces fausses informations ont dû créer un certain malaise, aussi bien au Caire qu'à Washington. Et dans les pays arabes, on y a vu la preuve que l'Égypte, à cause de Sadat, n'était qu'un jouet dans les mains de la CIA. Mmh. Mais cette désinformation, aussi subtile soit-elle, n'explique quand même pas l'assassinat de Sadat. C'est exact. Et dans les services, très longtemps, nous avons cru que les extrémistes qui ont assassiné Sadat avaient été manipulés par Kadhafi. Mais vous savez qu'à l'Est, quelques bouches se sont ouvertes depuis la chute du communisme. Et j'ai récemment eu la preuve que le KGB avait joué un rôle dans la disparition de Sadat. On vous a fait des confidences? Oui, si on peut dire. Sadat, depuis qu'il avait tourné Kazakh, était devenu une cible pour le KGB. Une cible, c'est-à-dire qu'on voulait le tuer? Exactement. Et je vous rappelle qu'à deux reprises au moins, Sadat avait failli être liquidé. Il a raconté ça. En 1980, l'avion transportant Sadat vers les États-Unis a soudainement dévié de sa route. Au lieu de faire escale aux Açores, il se déroute vers la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que la CIA lui a fait savoir que des avions de chasse libyens attendaient le passage de l'appareil présidentiel. Et la deuxième tentative? Elle a lieu à peu près à la même époque, en avril 80. Un Palestinien est arrêté au Caire. Il est porteur de 9 kilos d'explosifs. Une charge destinée à tuer Sadat lors de son discours du 1er mai. La troisième tentative, vous la connaissez, elle a malheureusement abouti. Et les vrais commanditaires se trouvaient à l'Est. Je peux même ajouter que l'officier supérieur qui a donné le précieux renseignement aux assassins sur l'organisation du défilé était de longue date, depuis l'époque Nasser, en fait, un agent du KGB. J'ai longtemps cherché d'éventuels documents susceptibles d'étayer la thèse de M. X. Je n'ai trouvé qu'une semi-confirmation dans l'ouvrage de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky sur le KGB dans le monde. Gordievsky, transfuge soviétique, affirme avoir entendu des officiers du KGB plaidant pour la liquidation physique de Sadat. Mais c'est tout. Dans un livre autobiographique, Anwar el-Sadat rapporte des propos tenus par le président algérien Boumediene à l'époque de la guerre du Kippour, propos tenus après une visite de ce dernier à Brejnev. Les Américains et les Israéliens sont certainement désireux de vaincre le président Sadat, mais l'Union soviétique souhaite encore 100 fois plus sa défaite. Phrase révélatrice de la détérioration des rapports entre Sadat et l'URSS. À samedi prochain. Merci à Patrick Pénaud. Demain...